quête d'un sourire du monde. C'est comme danser sur un nuage. C'est comme tu es l'ennui. Je sais qu'il revient. Combien de fois il est mort. Combien le monde est nu. Comment pour tes yeux je suis beau. Combien je compte pour toi. Tes silences, tes pensées. Avant un baiser. Finir dans tes bras, c'est comme atteindre l'infini. C'est comme t'attacher au nuage. Que tu ne voles que dans mon ciel. Que tout le temps je lève les yeux. Et que je me demande comment pour tes yeux je suis beau. Combien je compte pour toi. De silence, de pensée. Avant un baiser. Exposer le monde comme je le tiens comme il m'échappe. Et combien tes sourires sont durs à vivre quand je ne les attends pas. Comment pour tes yeux je suis beau. Combien je compte pour toi. De silence, de pensée. Avant de m'aimer.